seras, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Tu l'auras ta maison avec tes tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du Chamora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'était pour ça. L'archange du réveil, je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Tu t'es retourné, nous sourire avant de te première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. La rua Madureira, la rue.